me suis pas fait seul. Je me suis fait avec les gens qui cacheront mes erreurs. Tu vois des objets de valeur. Moi je vois les nuits blanches, les disputes et la sueur. On dit qu'on a tous des principes et des valeurs, mais à la moindre épreuve on tombe, les murs autour de nous s'effondrent. On dit qu'on a tous des principes et des valeurs, mais à la moindre vague on tombe tout au fond. Tu m'accuses des malheurs, des souffrances qui nous rongent, comme si ma musique pouvait changer le monde. Tu m'accuses des malheurs, des souffrances qui nous rongent, comme si ma musique pouvait changer le monde. Ça changera quand j'amour passera dans le trou de l'aiguille. Eh ouais, pas de couleur pour souffrir. J'ai vu des gens jaloux de voir leur semblable sourire. On dit qu'on a tous des principes et des valeurs, mais à la moindre épreuve on tombe, les murs autour de nous s'effondrent. On dit qu'on a tous des principes et des valeurs, mais à la moindre vague. Des souffrances qui nous rongent, comme si ma musique pouvait changer le monde. Tu m'accuses des malheurs, des souffrances qui nous rongent, comme si ma musique pouvait changer le monde. Tu veux que je sois désolé pour une chose que je n'ai pas faite. Et si ce monde qui nous donne des pensées meurtrières, à mon égard ne sois pas avare en prière. Oh.